François est militant avec le collectif opposé à la brutalité policière depuis de nombreuses années. Il s'intéresse aux cas de bavure policière, de décès suite à des interventions policières. Et récemment, eh bien, il y a eu un nouveau cas ici à Montréal, celui de Donald Ménard, le 11 novembre dernier. François, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est possible de parler un peu de ce qui est arrivé le 11 novembre? Qu'est-ce qu'on sait exactement des circonstances de l'intervention qui a conduit à la mort de Donald Ménard? Oui, bien, dans le fond, ce qu'on en sait, c'est ce qui est sorti dans les médias de masse. Et donc, il faut savoir que la plupart des informations qu'eux, ils ont eues proviennent de... Une partie vient des témoins qui étaient présents sur place, des civils, mais la plus grosse partie de leurs informations vient de la police, à commencer par le SPVM. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Par contre, qu'est-ce qu'on en sait, c'est que le SPVM, en fait, il y a eu un appel au 911 pour une femme qui était tombée, apparemment qui était peut-être en surdose ou simplement qui était tombée. Bref, le but de l'appel, c'était d'avoir des ambulanciers sur place. Sauf que, vu que c'était dans une maison de chambre située sur Saint-André, pas loin de la rue Ontario, et que cette maison de chambre est fréquentée par des gens de la rue, donc est connue des policiers et des ambulanciers, eh bien, évidemment, ce sont des policiers du SPVM qui sont arrivés sur les lieux en premier. Faut savoir que quand les ambulanciers sont appelés à une place où on pense qu'il y a peut-être des risques pour la sécurité, ben la police a comme mandat de sécuriser les lieux avant que les ambulanciers puissent entrer. Sauf que quand les policiers sont arrivés sur les lieux, il y avait plusieurs personnes sur place et la tension a très vite monté. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Ce que les médias ont dit, c'est que Donald Ménard aurait sauté sur les policiers, apparemment sans raison, là, d'après ce qu'on sait. Il y a un policier qui aurait eu une dent brisée ou plusieurs dents brisées. Bref, ils se sont mis à quatre sur lui pour tenter de le contrôler. Ils ont utilisé leur poivre de Cayenne, leur matraque télescopique et même le taser gun. Il y a un témoin civil qui dit que le taser a été utilisé à une quinzaine de reprises. Bon, on saura peut-être plus la vérité plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que Donald Ménard, qui avait 41 ans, a été maîtrisé au sol et menotté. Puis les policiers se sont comme rendus compte qu'il ne respirait plus et il est décédé quelques minutes plus tard. Donc, cette situation-là, c'est une situation qui ressemble étrangement à d'autres situations. En février 2012, une situation similaire s'était produite lorsque Josiane Millette avait appelé le 911 pour demander une ambulance pour son conjoint, Jean-François Nadreau, qui était en état de crise. Même situation, c'est la police qui est arrivée. Et à ce moment-là, c'est par balle que Jean-François Nadreau a été abattu. Selon les analyses que vous avez faites, que c'est le 88e décès lié à des interventions policières ou en détention à Montréal depuis 1987. C'est donc loin d'être un cas isolé. Comment est-ce que ce cas-là s'inscrit dans la continuité de toutes les interventions policières brutales ayant causé la mort à Montréal? Ouais, ben comme tu dis, il y a Jean-François Nadreau qui est un cas qui est très similaire parce que ça a commencé par un appel 911 pour avoir de l'aide et quand les policiers se sont présentés sur les lieux, ben ça a tout de suite fait augmenter la tension, ce qui fait que les policiers ont tué Jean-François d'une balle. Par contre, les deux derniers morts qu'il y avait eu à Montréal, pas plus tard que cet été, au mois d'août, deux personnes de 70 et 72 ans, Robert Hainaut et Isidore Havis. C'était aussi des personnes donc qui étaient en crise et qui ont fini par périr suite à l'intervention policière. Puis il faut savoir aussi que Donald Ménard, d'après ce qu'on sait, il avait des problèmes de santé mentale. Et ça aussi, c'est loin d'être le seul cas où des personnes qui sont en crise, donc qui ont besoin d'aide, finissent par mourir sous les coups ou les balles de la police de Montréal, entre autres. Là, la SQ aussi, et ça arrive dans pas mal toutes les autres villes. Ça, c'est quelque chose aussi. Puis, il faut considérer que Voyons, Donald Ménard était aussi plus ou moins sans-abri. Il y a de nombreuses personnes aussi, au moins 4 personnes sans-abri qui ont déjà décédé dans une intervention de la police de Montréal. On se rappelle de Mario Hamel en 2011, Farshad Mohammadi, Michel Morin et Jean-Pierre Lizotte. Donc, comme tu dis, la 88e mort au moins à survenir aux mains de la police de Montréal. Donc, c'est loin d'être un cas isolé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la grande, énorme majorité de ces cas, il n'y a jamais d'accusation contre les policiers parce que encore maintenant, c'est la Sûreté du Québec qui enquête dans la plupart des cas où la police de Montréal est impliquée et les policiers, ils se protègent tout entre eux autres, ce qui fait qu'ils s'arrangent pour qu'il n'y ait jamais d'accusation contre leurs collègues. Et bon, dans le cas de Donald Ménard, c'est un cas qui implique l'utilisation du taser gun, donc le pistolet à décharge électrique. Des décès à Montréal liés au taser gun, le dernier qu'on a identifié remonte à 2007, c'est le cas de Coulem Régis. Par contre, le taser gun est associé à des décès au Canada et en Amérique du Nord de façon assez importante. Les défenseurs du taser gun vont trouver toutes sortes d'arguments pour dire que c'est peut-être autre chose qui aurait conduit à la mort. Dans ce cas-ci, comment est-ce que l'usage du taser gun s'inscrit encore une fois dans la continuité de ce qu'on observe au Canada puis en Amérique du Nord en termes d'intervention policière brutale menant parfois à la mort? Mais comme tu dis, il y avait le cas de Coulem Régis qui est décédé en 2007 après avoir été taisé 6 fois en 53 secondes par 2 agents de la police de Montréal qui ont d'ailleurs fini par être blâmés par la déontologie policière, mais ils ont écopé de suspension de 20 jours et respectivement 5 jours. Donc, pas grand-chose pour une intervention policière qui a causé une mort et qui était clairement abusive. C'est quelque chose que même les personnes critiques ou qui semblent critiques des tasers, comme un professeur Hébert là, de l'Université de Montréal qui est cité suite à la mort de Donald Ménard, il dit que dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est plus de formation et un meilleur encadrement pour utiliser le taser. Mais ce qui ressort du cas de Coulem Régis, c'est que les policiers n'ont même pas respecté les procédures qu'ils avaient déjà et les formations qu'ils avaient déjà. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas plus de formation ou un meilleur encadrement qu'il faut. C'est simplement d'arrêter d'utiliser le taser. On sait que le taser a déjà été décrit comme un outil de torture. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas utiliser. Il y a eu 35 morts au Canada et plus de 830 morts en Amérique du Nord liées à des interventions policières avec le taser. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit du côté des autorités et de la police? Suite à la mort, entre autres, de Mario Hamel et Patrick Limoges en 2011, qui avaient été tués par balle, on avait dit « Ah, mais il faut plus de taser guns ». Et encore maintenant, la Fraternité des policiers dit « Dans le fond, il faudrait que tous les policiers de Montréal aient des tasers ». C'est quelque chose de totalement absurde parce que dans le fond, ça va simplement faire plus d'abus et plus de risques qu'il y ait des décès et des blessures graves. Et puis, un autre argument de personnes qui se disent un peu critiques des tasers, comme entre autres Patrick Boland, qui faisait partie de la coalition pour le retrait des tasers. Lui, maintenant, il est sorti dans les médias en disant, dans le fond, c'est mieux qu'ils ont utilisé leur taser plutôt qu'un revolver. Et de dire que si l'usage du revolver avait été justifié dans le cas de Donald Ménard, l'usage du taser est justifié, mais c'est encore une absurdité parce qu'on sait que le taser n'est pas utilisé comme une alternative à l'arme à feu, c'est plutôt un outil de plus qui est utilisé dans des situations comme le cas de Donald Ménard, il n'était pas armé, il n'y avait aucune raison d'utiliser une arme à feu. Et donc, selon nous, il y était 4 policiers contre lui, ils n'ont aucune raison non plus d'avoir utilisé le taser. Et donc, c'est évidemment encore une affaire dont on va apprendre les détails au fur et à mesure que l'enquête indépendante, c'est-à-dire l'enquête menée par la SQ, va progresser. En attendant, vous organisez avec le collectif opposé à la brutalité policière un rassemblement lundi 25 novembre devant le poste de quartier 21, donc le poste du quartier où l'intervention a eu lieu. Bon, on sait que le contexte actuellement pour faire des manifestations à caractère politique, en particulier les manifestations anticapitalistes, les manifestations contre la brutalité policière, sont sujettes à une répression assez importante. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit le cas ou comment est-ce que vous appréhendez l'action de lundi? Bon, bien, c'est sûr que pour nous, c'est important de réagir à cette bavure policière. On fait aucune confiance à l'enquête de la SQ. Ils appellent ça encore des enquêtes indépendantes, mais on sait que c'est tout le contraire. Même si le Parti québécois est en train de créer un bureau des enquêtes indépendantes où il y aurait des civils et des anciens policiers qui vont enquêter sur les cas de bavure policière, pour le moment, c'est pas encore en place, donc c'est encore la police qui enquête sur la police. Alors, pour nous, il faut dénoncer ce qui est arrivé et il faut lutter dès maintenant pour qu'on ait accès peut-être à une enquête publique, pour avoir accès, pour savoir vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans le but d'essayer d'éviter que ça se reproduise. Parce que un autre des problèmes, outre le manque d'indépendance des enquêtes de la police, c'est le fait qu'il n'y a aucune transparence. Ils vont annoncer bientôt que le rapport de la police est terminé. Ils vont annoncer bientôt qu'il n'y a pas de preuves pour porter d'accusation contre les policiers, mais les circonstances et finalement le contenu du rapport d'enquête n'est jamais rendu public. Même la famille des victimes n'a pas accès à ça. Donc, nous, on va réclamer et on demande aux gens de sortir dans les rues malgré le contexte de répression intense qu'on a vécu cette année. Par contre, quelque chose qui peut peut-être rassurer les gens, c'est que la dernière arrestation de masse à Montréal remonte au 10 octobre. Il y avait une trentaine d'arrestations durant la manif contre le projet de pipeline de Enbridge, mais il y a eu d'autres manifs depuis ce temps-là, des manifestations masquées, des manifestations qui n'avaient pas remis le trajet, et la police a semblé être plus tolérante, même si ils ont quand même une présence forte et tout ça, mais il n'y a pas eu d'arrestation de masse depuis le 10 octobre. Donc, de toute façon, on demande aux gens d'être courageux et de pas se laisser abattre par la peur, parce que si on arrête de manifester, on donne raison, on donne la victoire à la police. Donc, pour nous, c'est important de quand même sortir dans la rue. Pour le moment, on appelle un rassemblement. Donc, c'est à 5h lundi le 25 novembre devant le poste de quartier 21, donc au coin des rues René-Lévesque et Sainte-Élisabeth, près du métro Berry. Encore une fois, on ne sait pas qui sont les policiers impliqués, mais on a comme des soupçons que ce sont des policiers du poste 21, vu que c'est sur leur territoire qu'est arrivée la mort de Donald Ménard. Alors François, militant du collectif opposé à la brutalité policière, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci à toi. Bonne journée. Toi aussi.